Ce vendredi, à la vie en BD, des chats et des publications indépendantes. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude. Et cette semaine, un regard tout particulier autour de deux collectifs qui offrent donc des publications indépendantes, chacun à leur façon. Ça nous permettra de voir un peu de regard, de type de collaboration qu'on découvre et qu'on connaît dans cet univers-là, donc publications indépendantes, fanzines et le reste. Et j'en profite toujours un peu d'ailleurs pour aborder cette thématique-là autour du salon Nouveau Genre, en fait un événement qui se tient à Québec les 3 et 4 décembre, donc une occasion d'aller à la rencontre de quoi 170 créateurs de la relève en métier d'art, en art visuel, en micro-édition, mode design et musique. Donc, évidemment, nous, c'est micro-édition qui nous intéresse un peu plus ici à l'émission. C'est une occasion donc d'aller à leur rencontre, de trouver aussi leur travail, parce qu'il y a toujours un défi de distribution et de diffusion dans ce cas-là. Et les deux collectifs, justement, dont on va parler cette semaine, c'est des gens que vous allez pouvoir rencontrer du côté du Salon Nouveau Genre les 3 et 4 décembre, un événement qui se tient d'ailleurs, je le mentionne, à l'église Saint-Fidèle dans le quartier Limoilou à Québec. Alors, quels sont ces deux collectifs, ces deux entités? Alors, la première, en fait, on parle plutôt d'un collectif qui donne dans les œuvres collectives, dans le fond, une fois par an, depuis voir un peu plus dans les cas des dernières années. Donc, ils ont offert un travail collectif qui regroupe plus d'une dizaine d'auteurs. Ils ont également, au fil de cette année, commencé à offrir des publications intégrales d'autres auteurs, donc d'offrir plus que simplement le recueil. Alors, il s'agit de la logique du calendrier. Donc, Eugénie Rompré et Rodolphe Legrand seront avec nous tout à l'heure, dans quelques minutes. Également, en deuxième partie d'émission, on va porter un regard sur la brique du dinosaure. Alors là, c'est plus un collectif de diffusion. Donc, des auteurs qui créent de manière individuelle et qui ont décidé de se regrouper pour magnifier, donner peut-être plus de possibilités quant à leur présence dans différents salons et événements, se donner un branding de diffusion. Dans quelle manière un peu ça se place de leur côté? Eh bien, on va le savoir donc en début de deuxième moitié. Alors ça, c'est pour le volet publication indépendante. Et également, tout à l'heure, on mentionnait les chats. Alors les chats, ce sera notre fin d'émission. Donc, une édition peut-être un peu plus légère, pourrait-on dire, des rendez-vous de la BD dernière de l'année. Michel Giguère a décidé de se consacrer aux chats en bande dessinée. On verra qu'est-ce que ça va donner. On va lui en parler, évidemment, en route vers sa rencontre de mercredi prochain. Alors voilà pour le menu de cette semaine à La Vie en BD. Et sinon, dans l'actualité, cette semaine, quelques nouvelles qui méritent largement notre attention. Notamment, on se lance dans des prix et récompenses. On connaît notamment maintenant les récipiendaires du prix Jeunesse et du Grand Prix de la Critique qui ont été présentés par l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Alors, le Grand Prix a été remis au Voyage d'Ulysse d'Emmanuel Lepage, Sophie Michel et René Follet, publié chez Daniel Maguen. Alors, pourquoi un récit, en fait, dans lequel Lepage revisite indirectement le mythe écrit par Homère dans son Odyssée à travers l'existence tumultueuse d'une jeune femme de la fin du 19e siècle. Alors, on dit qu'avec la collaboration au scénario de Sophie Michel, Emmanuel Lepage signe ici, je cite, « une épopée poétique où s'exprime pleinement son trait à la fois léché et vif. Il réussit des scènes maritimes magnifiques, mêlant avec art, vagues, voiles, mouettes et ciel. Ciselé, ses textes ont pour écrin des cases aux coloris élégants et évocateurs. » Alors, ça, c'est le prix, donc le Grand Prix de la Critique ACBD pour 2016. Et parallèlement, pour le prix Jeunesse, c'est le tome 2 des Super de Dawid et Frédéric Maupomé aux éditions de La Gouttière. sorcière qui a été choisie comme récipiendaire. Super confronte le mythe des super-héros à la vie quotidienne d'une fratrie de 3 enfants orphelins. Dotés de pouvoirs extraordinaires, le trio doit partager les grandes responsabilités qui s'y attachent. Alors, qu'est-ce qui a mené vers la sélection de ce titre? On dit, je cite, entièrement mis en scène du point de vue des enfants, le récit captive les jeunes lecteurs autant par son action trépidante que par sa proximité avec l'intimité des personnages. Autres prix qui ont été remis, les Pépites 2016 du Salon Jeunesse de Montreuil, tout de même en fait des prix qui sont très prestigieux dans le domaine. Alors la Pépite d'or a été donnée à la BD Dans la forêt sombre et mystérieuse de Winchloss chez Gallimard. Pour les petits, c'est Bjorn, 6 histoires d'ours aux fourmis rouges. Pour les moyens, donc un peu plus vieux, Georgia, Tous mes rêves chantent de Timothée de Fombelle, Benjamin Chaude et Cécile de France et plusieurs autres en fait. Donc c'est essentiellement un livre audio. Et pour les grands, c'est Totem de Nicolas Wouter et Michael Ross chez Sarbacane. Également des prix du jury de lecteurs qui ont été offerts. Et pour les petits, un livre québécois d'ailleurs qui a été récompensé, Le facteur de l'espace de Guillaume Perrault, édition La Pastèque. Pour les moyens, c'est Dans la forêt sombre et mystérieuse de Winchloss. Et pour les grands, Sauveur et fils, tome 1 de Marie-Aude Muraille à l'école des loisirs. Également pour les prix, prix Walensky du point 2016 qui lui a été remis à La légèreté, après avoir été remis l'an dernier d'ailleurs à What a Wonderful World de Zepp. Alors, c'est La légèreté de Catherine Meurice, publié chez Dargo. Un album qui a reçu d'ailleurs plusieurs prix au fil des derniers mois. Raconte le travail sur elle-même qu'a dû faire Catherine Meurice pour trouver l'apaisement après l'attaque de Charlie Hebdo. Je rappelle, elle était dessinatrice du journal depuis plus de 10 ans. Elle a vécu le 16 janvier comme une tragédie personnelle dans laquelle elle a perdu des amis, des mentors, le goût de dessiner et la légèreté. D'autres prix, tiens, je me permets une petite minute de liste et de prix. Les prix BD de la FNAC 2017 ont été sélectionnés en fait 10 titres finalistes. Toujours des belles idées de lecture d'ailleurs. Entre autres, La légèreté de Catherine Meurice, dont on a parlé, Joséphine Bacard de Catel Muller, L'adoption d'Argo Monin, Les brumes de Sapa de Lolita Séchant, L'été diabolique d'Alexandre Cléris, L'homme qui tue Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, Morgane de Stéphane Fert, S'enfuir de Guy Delisle, Shangri-La de Mathieu Bablet et Un maillot pour l'Algérie de Javieré, Bertrand Gallic et Chris, qui sont finalistes de ce côté. Autre prix, prix Landerneau 2016, lui a été donné à L'odeur des garçons affamés chez Casterman de Frédéric Peters, qui se déroule au Texas en 1872, dans lequel le héros Oscar est un photographe qui répertorie des paysages de l'Ouest pour le compte d'un géologue. Une expédition assez drôle qui se monte, et autour de cette expédition, un homme en noir. Alors, on parle d'un western envoûtant, fantastique et humain à découvrir également selon ce prix. Et je m'en permets deux dernières avant d'aller en musique. Jean Solé Grand Boom 2016, en fait, donc Festival de Blois, qui a donné à Jean Solé ce prix qui consacre tout son travail. Enfin, lui doit entre autres, il faut dire, Pilote, l'écho des Savane, Fluide glaciale, Super Dupont et le reste. Alors, un auteur, en fait, qui mérite largement cet honneur. Et enfin, les Utopiales 2016, Festival international de science-fiction, lui a couronné Néfer, Chant et Conte des Premières Terres. Alors, d'Arnaud Boutle, chez Delcourt. Alors, ben, félicitations à tous ces gens qui ont reçu des récompenses tout récemment ou presque. Alors, ben, nous, là-dessus, on s'en va donc en musique. La formation qui nous accompagne cette semaine s'appelle Sterezzo, un album qui s'appelle Adventure. On écoute un premier extrait. Alors, vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD, un site qu'on anime proactivement d'ailleurs au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Puis ça fait quand même un petit bout de temps qu'on vous a le plaisir de vous offrir cette émission. Ça fait un petit bout de temps qu'on a le plaisir de vous offrir cette émission, mais du sujet qui, au fil des années, en viennent à nous échapper, qu'on rattrape. Et notamment, ben, ça faisait un bout de temps que sur la liste, je me disais, il faudrait que je parle de la logique du calendrier. Alors aujourd'hui, ce sera chose faite. Alors, des artisans de ce collectif sont avec nous, donc Rodolphe Legrand et Eugénie Rompré. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, peut-être en fait, au départ, là, la logique du calendrier, si on remonte au numéro zéro ou un peu après, est-ce que c'est un peu l'idée de se donner un laboratoire, de monter un collectif d'auteurs, de se donner une vitrine pour le travail? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement un laboratoire. C'est comme ça qu'on a vu les choses au début. En fait, c'était suite à un atelier qu'on avait fait à la librairie Drone Quarterly, animé par Pascal Girard. Et en fait, à l'issue de cet atelier, on a fait un petit fanzine comme ça. Et puis en fait, ça a été le numéro zéro quelque part. Puis de là, ben en fait, on était trois ou quatre auteurs au début. Puis quand on a décidé de se lancer, on a essayé d'en parler le plus possible autour de nous, d'amener des amis dans le projet. Puis petit à petit, ça l'a grossi. On a décidé de se donner un thème à chaque numéro aussi. Puis avec notre dernier numéro, enfin, on est 22 auteurs. Donc ça va bien. Puis ouais, voilà. En général, les thèmes sont assez. On essaye de laisser les gens assez libres. On donne des thèmes assez généralistes, mais assez amusants en tout cas on essaye. Et puis ben les gens aiment bien participer, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que le fait d'avoir un thème aussi, ça doit ajouter. Ça donne une contrainte, ça donne une direction, mais en même temps, ça laisse beaucoup de liberté à chacun de s'exprimer. Et puis, j'imagine qu'il y a un peu l'idée de contrainte qui devient séduisante dans ce contexte-là. En fait, contrainte aussi avec le thème, mais avec l'idée d'avoir un produit à faire, à dire, bon, OK, là, il faut que je fasse une histoire pour la logique, j'ai tant de temps pour la faire, j'ai telle contrainte pour insérer l'histoire dans la logique de la revue et le reste. Oui, exactement. En fait, personnellement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à faire des histoires, d'avoir une date limite qui est imposée, pas juste par moi en me disant « oui, je vais essayer de faire une histoire pour la semaine prochaine », mais de me dire « bon, ben là, on essaie de faire un livre, on essaie d'embarquer les autres là-dedans, donc je suis redevable aux autres. Donc, si je veux faire une histoire, mais c'est vraiment c'est une date limite qui est ferme. Puis ça, moi, ça m'aide à produire. Puis je pense que je suis vraiment pas la seule qui fonctionne avec des deadlines comme ça. Oui, et puis vraiment, on a joué justement avec ce côté deadline et de devoir de rendu dans le dernier numéro, puisque la contrainte, c'était un travail en équipe. Donc, il devait y avoir un scénariste et un dessinateur. Et puis, dans une autre partie, il y avait aussi, on inversait, les rôles s'inversaient. Donc, le scénariste devenait le dessinateur et le dessinateur scénariste. Donc, ça obligeait les gens aussi, quelque part, ça les contraignait un peu à devoir se coordonner et puis rentrer dans les délais, quoi. Donc Et ça permet en fait, parce que au départ, donc comme vous disiez, vous étiez trois. Éventuellement, je pense après deux ans, vous étiez déjà monté à au-delà d'une dizaine. Là, on est au septième numéro, on est 22. Donc ça montre aussi, j'ai l'impression, que le milieu, que les gens autour de vous dans le milieu BD se sont vraiment appropriés dans le fond cet outil là. Oui, ben en fait, je pense que on essaie à chaque salon qu'on fait, on essaie à chaque exposition où on fait d'aller parler aux gens, de présenter ce qu'on fait, mais en même temps aussi de rencontrer les auteurs qui sont là pour leur parler de notre projet, puis leur dire bon ben si vous voulez participer, on met sur notre site, on va mettre les contraintes, etc. Donc on invite les gens beaucoup à participer, on va vers les gens pour ça. Puis il y a beaucoup d'élèves aussi de l'Université du Québec en Outaouais avec le programme de bande dessinée qui se sont embarqués là-dedans. Ça, c'est le fun parce que ça ajoute beaucoup de sang neuf qu'on voyait pas nécessairement dans les autres publications. Ouais, c'est ça qui est intéressant. On a toujours, on est de plus en plus, mais il y a toujours des gens. Alors il y a une base, on va dire. Il y a toujours les mêmes, mais aussi beaucoup de nouveaux à chaque fois. À chaque numéro, il y a des nouveaux. Il y en a, à un moment donné, ils peuvent pas participer, mais ils nous le disent la fois prochaine. Mais de toute façon, il y a des nouveaux qui arrivent, donc c'est assez vivant aussi par rapport à tout ça. Et puis en même temps, il y a une espèce de cohérence. j'ai l'impression que les gens s'approprient aussi un peu. Il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale, mais il y a quand même un aspect, on essaye de garder un aspect assez homogène d'une publication à l'autre, et on la sent, on sent vraiment cette homogénéité dans les récits. La cohésion. Ouais, la cohésion. Et j'imagine aussi qu'il y a une autre contrainte qui est celle du nombre de pages. Donc, est-ce que ça amène aussi à certains refus, en fait, une certaine épuration pour vraiment centrer sur des publications qui correspondent aussi à une idée ou qui s'insèrent bien dans l'idée générale ou dans le produit général que ça va donner? Refuser des histoires, ça a toujours été notre bête noire. On n'aime pas ça, hein. On n'aime pas refuser des histoires. On n'a pas refusé beaucoup à date. Il y en a eu que très peu. À chaque fois, on a de la chance. Tout correspond à notre vision du produit, du livre final là. C'est ça quand on refuse. La plupart du temps, d'habitude, c'est vraiment pour une question de nombre de pages, parce que bon, c'est un projet qu'on finance nous-mêmes, Rodolphe et moi, donc ça sort de notre poche. Donc, même si on voulait éditer tout le monde, on peut pas le faire, faut qu'on fasse des choix, puis c'est vraiment déchirant à chaque fois. Ouais. Et en même temps, dans le fond, d'un côté, il y a ce collectif-là que vous avez mis en place, et on parlait de croissance aussi. Je pense que cette année, vous avez donné un premier livre à une auteure aussi. Donc, il y a l'idée de sortir du collectif et d'avoir un peu d'édition indépendante de manière plus classique, entre guillemets. Oui, en fait, c'est ça à la base. Notre collectif, on le sortait deux fois par année, donc une fois à l'automne, puis une fois au printemps. Cette année, on a décidé de passer à une publication par année pour le collectif, pour se donner le temps, puis l'énergie, le pouvoir, puis le budget aussi en même temps, là, c'est tout en ça un petit peu, de pouvoir éditer des livres à hauteur unique, des publications intégrales. Puis c'est ça, on a commencé avec Norco, avec un récit sur la vie d'une jeune graphiste pas très satisfaite dans son rôle dans une PME. Puis on espère en faire d'autres comme ça, on a une perspective de grossir, mais en même temps on veut garder l'aspect artisanal un petit peu, l'aspect artistique un peu, ouais. On essaye de garder même une cohérence, c'est-à-dire que le livre de Noriko a le même format que le collectif, la logique du calendrier. Donc, puis la logique du calendrier, c'est aussi le nom du coup de la maison d'édition de la structure d'édition. Et puis on essaye de garder un peu une cohérence. On joue aussi beaucoup sur des papiers, sur l'aspect final. Donc ça fait un peu partie de notre branding. Et puis j'imagine que c'est un peu une conséquence logique du fait de découvrir, de donner une voix comme ça à des auteurs. Et bien éventuellement, vous avez envie de leur permettre d'approfondir un peu plus une thématique, ou même de vous permettre comme structure d'édition de l'approfondir avec les lecteurs potentiels. Oui, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, des fois, ça nous sert. La revue nous sert vraiment de catalogue. J'aime pas dire ça, mais c'est vraiment. Oui, on a envie de. Il y a une histoire qui est vraiment sur laquelle on allume. On a envie de voir ce que ça donnerait sur une centaine de pages ou moins. C'est si on dit à la personne, on donne libre cours. Puis qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que t'as envie d'explorer. Puis nous, on est là pour te soutenir, en fait. Ouais. C'est vraiment ça qu'on a envie de faire, là, c'est de soutenir les gens à développer leur histoire puis à les diffuser. Puis éventuellement aussi à diffuser les vôtres. Je pense qu'un peu avant Noriko, il y avait Rodolphe Legrand qui avait édité aussi un petit ouvrage de son côté. Vous avez des travaux personnels, vous avez des travaux dans d'autres collectifs aussi. Donc c'est un peu de naviguer à travers tout ça, la gestion du collectif, l'accompagnement d'un projet d'édition comme celui de Noriko, votre travail personnel aussi. Est-ce que j'imagine que ça devient un plaisir aussi de naviguer entre ces différents rôles-là? C'est vraiment un plaisir. Et puis d'un côté on encourage la création, ça nous encourage à créer. Ça, il y a de l'émulation, c'est vraiment une question d'émulation aussi du milieu. Enfin, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est très très effervescent au Québec en ce moment. Il y a plein d'artistes comme ça en devenir ou qui sont déjà bien installés. Ouais, je pense aussi que c'est quelque chose de très organique aussi. Donc, à la fois on voit ce qui se fait, on voit des trucs intéressants qui s'en viennent, on a envie de les montrer aux autres, mais en même temps, ça peut nous donner des idées, ça peut nous motiver pour continuer à travailler, autant pour notre pratique personnelle que pour faire découvrir d'autres auteurs puis continuer le collectif. Et en même temps, pour voir aussi pour le lecteur, c'est de voir un peu des auteurs grandir. Si je prends par exemple Eugénie Rompré, il me semble qu'avant La Logique, Rodolphe était un peu plus dans l'univers fanzine. De ton côté, il me semble que vous en avez un peu moins fait. Mais on vous voit grandir, dans le fond, au fil des numéros, on voit le trait s'affiner, se développer, etc. Oui, mais en fait, c'est drôle parce que les premiers numéros, j'étais vraiment prise par la peur d'être imprimée. Ça me faisait super peur. Puis, avec le temps, je me suis dit, ça reste un exercice de style, donc je me laisse plus aller. Ça m'inquiète moins de me dire que les gens, ils vont le voir entre leurs mains, qu'ils vont. T'sais, au final, là, ça reste vraiment un petit tirage aussi. Mais non, c'est ça, en fait, avec l'atelier de Drawn and Quarterly où j'avais participé avec, qui est animé par Pascal Girard, là où de Rodolphe, qu'on a commencé à parler de faire un collectif. Ben moi, c'est ma première expérience vraiment concrètement de bande dessinée. Là, j'arrive d'un autre milieu, puis ça m'a permis quand même de comprendre un petit peu les rouages de ça. Puis dans le fond, il n'y a pas vraiment de règles, puis on peut juste se lancer, puis avoir des idées, puis essayer de les faire fonctionner. Là. Et en parallèle aussi, on parlait d'effervescence tantôt. Est-ce qu'il y a un défi d'un côté de démarquer peut-être un peu la logique du calendrier d'autres collectifs, parce qu'il y a Crémage, il y a Vestibule, il y en a pas mal, un peu comme il y a beaucoup d'éditeurs, donc est-ce qu'on en vient un peu à essayer de se distinguer? Est-ce que c'est une préoccupation qu'on a aussi dans le contexte de l'édition indépendante, dans le contexte des salons et le reste? Non, je dirais pas. Moi, je pense que plus il y en a, mieux c'est. Mm-hmm. Vous parliez de Crémage, il y a beaucoup d'auteurs de Crémage qui sont dans la logique du calendrier et inversement. Crémage, le thème est vraiment vraiment défini, hein, la BD érotique. Non, il n'y a pas de. Enfin, j'imagine que non. Chacun fait un petit peu un truc qui l'intéresse, qui a envie d'explorer. Puis, je pense que c'est tout des vecteurs qu'on a la liberté d'exprimer. Puis, il y a pas vraiment de. On s'inspire. En fait, c'est inspirant de voir qu'il y a autant de diversité dans ce qu'il fait. Puis, c'est pas contraignant du tout. À la limite, au contraire, en fait, comme Rodolphe disait, il y a plusieurs auteurs qui participent à l'un ou à l'autre. Alors, ça donne des opportunités. Ça dit, OK, là, j'en fais une pour La Logique. Là, dans 2 mois, je vais essayer d'en produire un autre pour Crémage ou j'ai réussi à passer dans Planche ou des trucs comme ça. Dans le fond, on fait le saut un peu. On se donne des opportunités qui seraient pas là si, justement, il n'y avait pas ce dynamisme-là, cette volonté du milieu de s'animer et de se diffuser comme ça. Exactement. Et puis, en plus, par exemple, hier, on a fait notre lancement à Montréal du numéro 7. Crémage a lancé son numéro 3 en même temps, au même endroit. On a fait un événement commun. Puis, avec La Mauvaise Tête aussi pour le livre de Xavier Cadieux. Et donc, voilà, c'est vraiment, vraiment, c'est, je pense qu'on est toujours tout le temps ensemble, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, je pense que ça rassemble les gens au final, parce que tout le monde est content de voir qu'il y a de la diversité, qu'il n'y a pas juste une voie où on peut s'exprimer, puis il y a du choix, il y a du choix autant pour ce qu'on a envie de lire que pour ce qu'on a envie de dessiner au final. Et en parallèle, en fait, il y a toujours le défi aussi de la diffusion. J'imagine que c'est beaucoup au fil des salons, des événements, que ce soit à Montréal ou à Québec, que vous arrivez justement à passer, entre guillemets, vos publications. Est-ce que ça donne aussi une relation particulière? Parce que dans le fond, les lecteurs, vous les voyez, vous les avez vus au moins une fois avant qu'ils décident de l'acheter en ligne, ou presque. Donc, comment ça se positionne un peu, cette dynamique-là, qu'on a peut-être un peu plus du côté des publications indépendantes, justement? Oui, vraiment, on retrouve d'un événement à l'autre, que ce soit Exposine, le Salon de la BD de Montréal, un nouveau genre, le public, d'une année sur l'autre, on revoit toujours les mêmes visages. Ah bah c'est quoi votre nouveauté cette année, etc. Ouais, ça fait vraiment plaisir par rapport à ça. Et puis on essaye aussi d'être un peu en librairie quand même. On n'a pas de diffuseur, hein, on est encore trop petit pour avoir un diffuseur, mais il y a vraiment, on a vraiment un réseau de librairies, enfin les librairies indépendantes au Québec sont vraiment vraiment géniales. Vraiment géniales avec nous. Il y a beaucoup de libraires qui nous encouragent aussi. On leur tient un grand chapeau. Ça aussi, ça crée, je pense, une relation particulière qu'on aille en librairie avec notre livre, qu'on le présente, puis bon, au fil du temps, c'est ça, les libraires finissent par nous connaître aussi. Donc bon, ils savent, ils attendent un petit peu notre livre. Là, je mets un gros bémol là-dessus, parce que bon, c'est sûr que ça reste pas le nouveau Marc Lévy, là, mais c'est ça, en fait, je pense que ça reste un contact très personnel, en fait, avec chacun. Et j'imagine que ce contact-là, quand vous avez décidé de passer à une structure d'édition avec l'album de Noriko, à tout moins de tester cet aspect-là, mais ça crée aussi ça donne une crédibilité, dans le fond. C'est pas un livre qui arrive de nulle part, c'est la gang de la logique qui arrive avec une publication. Exactement, ouais, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Enfin, le livre de Noriko a vraiment bien marché. Enfin, on est vraiment content du démarrage de ce livre. Ouais. Et vraiment, ouais, les libraires étaient vraiment contents. Et puis même le public, là, on a eu un bon retour. Là, on l'a sorti au moment du festival de la bande dessinée de Montréal. Donc il y avait des gens qui l'avaient acheté. Et là, Exposine, des gens nous revoyaient, ils le conseillaient à leurs amis, tout ça, qu'ils étaient Exposine. C'était assez. C'est très flatteur. D'avoir ce contact-là avec les gens. Et en terminant, Eugénie Rompré, Rodolphe Legrand, on l'a mentionné, il y a un numéro de La Logique qui est sorti tout récemment. Pouvez-vous, en une minute, deux minutes, là, nous en parler, nous présenter peut-être un peu ce numéro-là? Oui, mais en fait, on s'est donné une double thématique. Donc, il est en format tête bêche. Il y a un côté du livre où c'est la thématique, c'est le jour. Puis quand on retourne le livre, de l'autre côté, les pages sont inversées. Puis la thématique, c'est la nuit. Puis avec la double thématique, en fait, on travaillait en duo. Donc, d'un côté, une personne scénarisait, puis l'autre dessinait l'histoire. Puis, quand on inverse le livre, on inverse les duos aussi. Donc, la personne qui scénarisait en premier va dessiner la deuxième histoire inversement. Et puis, on a voulu garder encore et toujours cette espèce d'aspect artisanal. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on a commencé, on faisait des étampes à l'arrière du livre et tout ça. Et donc, on continue à étamper notre titre pour garder toujours cet aspect unique, parce qu'il n'y a pas de numéro pareil. On joue sur la couleur du titre, etc. Et puis voilà. Ouais, donc, puis on a joué avec le papier aussi. C'est pas la couleur du papier n'est pas la même du côté jour que du côté nuit. Donc, on s'amuse avec des détails comme ça. Oui, notre imprimeur nous prend pour un fou des fois. Et j'imagine avec des sujets extrêmement variés aussi, côté histoire, côté récit. Oui, parce que là, avec une thématique jour-nuit, vraiment, ça, à la limite, c'est quasiment pas de thème. C'est très vaste. Je pense que c'est le plus vaste des thèmes. Ouais, c'est le plus vaste des thèmes, mais en même temps, les équipes, les duos d'équipes ont réussi. Il y a beaucoup qui ont fait des histoires qui se répondent. En fait, la contrainte aussi était qu'on puisse ouvrir le livre d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a le même nombre de pages et donc ça ne devait pas se suivre. Et les gens ont quand même réussi à donner une espèce de réponse. Enfin, chaque histoire peut se prendre n'importe comment, mais dans n'importe quel ordre, mais elles se répondent quand même. Il y a des petits détails dans une case. Il va y avoir le personnage de l'histoire en miroir, etc. C'est plein de clins d'œil. Alors, à découvrir donc ce dernier numéro donc de La Logique du calendrier, découvrir entre autres donc dans les librairies indépendantes ou sinon sur le web en cherchant Logique du calendrier BD, on va tomber sur vous également assez facilement ou sur Facebook. Rodolphe Legrand, Eugénie Rompré, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je rappelle aussi aux auditeurs de Québec que s'ils veulent aller à la rencontre de la gang de la Logique du calendrier, mais il y a toujours le salon Nouveau Genre les 3 et 4 décembre prochains. Nous, à La Vie en BD, on repart en musique, toujours avec Sterezzo. Non, mais vous êtes à l'écoute de La Vie en BD, toujours sur CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver les émissions en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. L'ensemble de nos saisons s'y trouve. Et on poursuit donc nos regards sur l'édition indépendante. Et maintenant, on va parler d'un collectif de diffusion. Alors, ça s'appelle La Brique du Dinosaure. Et pour en jaser avec nous, trois auteurs de ce collectif, Martin P. Aude Fourret et François Donatien. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, peut-être pour commencer, on parle d'un collectif de diffusion. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, bonjour. C'est Martin. La Brique du Dinosaure, le but, c'est pas nécessairement de créer des livres ensemble, mais c'est de regrouper différents auteurs qui font d'autres publications ou qui dirigent des collectifs, mais de se mettre ensemble pour soit louer des espaces dans des événements ou faire de la distribution dans les librairies indépendantes pour diminuer nos frais puis se donner une plus grande visibilité. Donc, c'est ça, on n'est pas dans un collectif d'auto-édition, par exemple, comme Colosse ou d'autres. C'est vraiment l'idée de maximiser, de donner des outils, des moyens de maximiser sa visibilité, d'aller à la rencontre de lectorat toujours un peu plus large, en fond, dans les événements Salon et le reste. C'est ça, exactement. Puis, en même temps, ça permet aussi d'offrir aux lecteurs un plus grand panorama de styles, d'ouvrages, puisqu'on travaille tous dans des styles différents, avec des intérêts différents. Et qu'est-ce qui a mené un peu à mise en place? Parce que ça fait quand même assez récent. Vous avez commencé en décembre 2015. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait un besoin? Est-ce que l'idée est venue autour d'une bière à un moment donné en disant, il me semble que ce serait plus le fun de faire ça en gang? Ou d'où est venue l'idée? Au départ, on était plusieurs auteurs à trouver que dans certains événements ou à certains moments, la bande dessinée indépendante, autopubliée, avait peut-être pas assez de visibilité, puis on voulait avoir une meilleure diffusion, mais des fois seul pour louer certains espaces dans des événements qui sont pas nécessairement BD ou dans les plus gros événements, c'est difficile, d'où l'idée de se regrouper ensemble, puis aussi un peu peut-être en s'inspirant de Colosse, qui est pas le même concept, qui est plus un concept d'édition, mais d'avoir une image de marque qui est commune, donc qui est reconnaissable. Quelqu'un qui a déjà acheté, mettons, un livre à Aude ou à François, va peut-être avoir plus confiance de m'acheter un livre à moi ensuite, parce qu'il va déjà avoir aimé ça, puis ça va être sous le sceau sans que ce soit imprimé dans le livre de La Brique du Dinosaure. Donc, ça nous permet d'avoir de la visibilité au-delà de nos propres publications. Aussi, ça nous permet de se déplacer à l'extérieur de Montréal, parce que la plupart des membres sont à Montréal. Mais on peut déplacer les livres sans nécessairement que tous les auteurs aient besoin de se déplacer. Oui, exactement. On peut en choisir. Donc, ceux qui sont disponibles, ceux qui ont envie, et se donner comme ça. Donc, une structure. J'aime bien l'idée aussi, en fait, d'un branding commun. En même temps, j'imagine qu'il y a une certaine difficulté à l'établir dans la mesure où chaque artiste a quand même une démarche qui est assez distincte. Ou est-ce qu'on a l'impression qu'il y a quand même des ponts naturels qui ont fait, justement, que vous avez eu envie de vous associer entre vous? Ben, en fait, ça fait, vu que c'est quand même une petite scène, la bande dessinée alternative à Montréal, fait qu'on se croise souvent. Donc, on a une bonne idée de ce que font chacun des auteurs. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas vraiment de surprise par rapport aux publications, puisque chacun a un style reconnaissable, puis c'est ça, on se connaît, puis on se lit depuis quelques années. Donc, ouais. Donc, c'est devenu un peu naturel en même temps, en se disant, OK, on collabore déjà, on participe déjà à des collectifs, on se croise tout le temps au salon. Donc, à un moment donné, passons à la vitesse supérieure de l'association. Et est-ce que l'idée, c'est un peu d'en rester là ou d'amener ça éventuellement plus loin, de voir si on peut continuer à développer le concept? On a aussi, comme cet automne, on a recruté des nouvelles personnes qu'on connaissait, qu'on a découvert, comme Aude, que je pourrais laisser parler un peu, qui vient de la France, mais qui est au Québec présentement. Donc, c'est ça, dépendant des rencontres qu'on fait dans l'informel, on est prêt à continuer à grandir en termes d'auteurs. On aime bien diversifier notre catalogue. Donc, je pourrais peut-être laisser parler Aude aussi pour voir pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se joindre à nous. Allô? Moi, mon rapport à La Brique du Dinosaure, ça me fait vraiment plaisir d'être dedans. Car tout d'abord, ça me fait découvrir plein d'auteurs montréalais que je connaissais pas forcément, enfin, québécois en général. Et d'autre part, ça me permet de découvrir aussi le milieu. Puis, par exemple, ce soir, on va aller à Québec pour le Salon Nouveau Genre. C'est grâce à ça, enfin, grâce à La Brique du Dinosaure, je peux y aller. Alors que toute seule, je pense que j'aurais pas eu les moyens, ni financiers, ni. Toute seule, je pense que j'aurais pas pu y aller. Donc, La Brique du Dinosaure me permet de ça. Oui, donc dans le fond, de profiter de ces occasions-là, de maximiser, donc comme on disait tout à l'heure, dans le fond, le potentiel d'aller rejoindre les gens et de se faire connaître. En même temps, c'est toujours un peu, ça revient toujours un peu à l'idée de vitrine. En fait, il y a un plaisir à faire du fanzine, à faire de la publication indépendante, mais il y a un plaisir aussi à savoir que ce qu'on a à faire est lu et distribué et diffusé et le reste. Oui, puis je pense que l'idée aussi, en parlant un peu comment est-ce qu'on peut avoir une image de marque commune en ayant des styles différents et tout, mais l'idée, je pense, c'est d'être complémentaire aussi en allant chercher Aude ou par exemple il y a Jocelyne Chevalier qui est dans le groupe qui va avoir des trucs qui sont peut-être plus jeunesse en général. Donc ça permet d'avoir une offre plus diversifiée parce que souvent dans les festivals un peu plus grand public, les gens vont souvent venir, bon, heureusement ou malheureusement, la bande dessinée est encore beaucoup associée à la famille, aux jeunesses, puis les gens vont souvent demander, avez-vous du jeunesse, avez-vous du jeunesse? C'est sûr qu'un collectif comme Crémage qui traite de sexualité, c'est peut-être moins pour les enfants de 7-8 ans, mais en ayant Jacinthe dans le groupe, ça permet quand même de retenir certains lecteurs pour leurs enfants, puis après ça, peut-être que les parents vont s'intéresser à d'autres collectifs qui sont en état à la table. Donc, c'est l'idée de complémentarité aussi dans l'offre. Et peut-être justement, si on parle un peu pour illustrer un peu l'idée de complémentarité, puis je pense la variété des démarches aussi, Martin PM, Aude Fourret, François Donatien, peut-être qu'on pourrait détailler un peu ou présenter en quelques mots chacun votre travail, votre démarche, votre regard en fait sur la publication indépendante. Bon, évidemment, dans un contexte assez bref, parce qu'on pourrait faire une entrevue avec chacun d'entre vous et passer 15-20 minutes à en jaser, mais peut-être si on commençait par, peut-être Martin, justement, de ton côté, t'as donné pas mal aussi dans la BD scientifique à un moment donné, est-ce que c'est quelque chose que tu développes, tu chapeau de Crémage, donc parlons un peu de ton travail. Oui, ben ça peut peut-être un petit peu hétéroclite à la base. Oui, je fais de la communication scientifique puis un peu sociopolitique aussi, mais plus pour des contrats professionnels ou dans des magazines pour des clients institutionnels. Mais en termes d'auto-publication, j'ai beaucoup fait à la base un peu dans le politique, la satire politique. Mais je coordonne aussi. Maintenant, je me concentre plus sur Crémage, qui est un collectif qui traite de sexualité, mais de manière un peu alternative. Donc là, c'est vraiment un collectif classique parce qu'on a plusieurs auteurs qui ont des courtes histoires de 2 à 15 pages. Mais le but, c'est de parler de sexualité un peu alternative par rapport à ce qu'on peut voir sur Internet très facilement. Donc ça, c'est mon travail, là, surtout présentement en termes d'autopublication. Et du côté de François Donatien, parle-nous un peu de ce que tu fais ces temps-ci. Oui, je participe entre autres au dernier Crémage, puis je fais des collaborations comme ça dans des collectifs. Sinon, je travaille à un album qui est en cours, qui devrait être terminé, si tout va bien, à la fin de l'année 2017. Autopublié ou c'est une maison d'édition? Je sais pas encore. À voir. Donc, c'est ça. Et côté travail, côté univers, enfin, on parlait, on parle de quel type d'exploration, en fait? Ouais, ben, je fais une bande dessinée assez classique, mais qui parle de relations humaines avec du humour, beaucoup de fatigue, un peu de la mélancolie aussi. Mon album principal racontait les tribulations sentimentales familiales d'une jeune punkette montréalaise. Ça s'appelle Minimax. Donc, c'est ça. Puis, j'explore dans mon deuxième album à peu près le même style d'univers, qui est comme un univers que j'ai un intérêt viscéral. Et du côté d'autres de Fourret? Alors, moi, c'est un peu particulier parce qu'à la base, en France, j'ai fait des études qui sont plus liées aux beaux-arts. Donc, j'avais pas vraiment des études liées à la bande dessinée et j'apprends vraiment à découvrir ce milieu en étant ici, en fait. Mais du coup, mon parcours, j'ai plus fait des livres d'artistes et actuellement, là, je participe de plus en plus à des collectifs. Justement, j'ai participé à la logique du calendrier, à Crémage. Donc, je découvre un peu ce milieu. Puis moi, c'est plus, pour l'instant, des petites auto-éditions, genre du fanzine, ou des petites histoires courtes, mais j'espère bientôt faire une plus longue histoire à venir. Donc, voilà. Et en même temps, j'ai l'impression le support, justement, le fanzine à proprement parler, c'est un outil qui est utilisé autant en BD qu'en art visuel. Ça devient peut-être un pont un peu entre les deux pratiques, parce que c'est très présent aussi, justement, du côté d'autres pratiques artistiques que la BD. Oui, moi, ça m'intéresse, en fait, d'être... ce concept de reproduction de l'œuvre, entre guillemets, ça m'intéresse parce que je me suis beaucoup intéressée à des pratiques, reproduites comme la sérigraphie ou l'édition le permet. Et c'est quelque chose qui m'intéresse d'être diffusé, de pouvoir être lu par plusieurs personnes et pas juste vu par une ou deux personnes. Ça m'intéresse vraiment d'être dans de ce côté-là de l'édition quelque chose de sériel, ça m'intéresse beaucoup. Et parallèlement, donc, vous êtes trois, vous êtes six également côté auteur régulier de la brique. Il y a également donc d'autres auteurs ponctuels que vous ajoutez selon certains événements. Comment se passe un peu la dynamique? Est-ce qu'éventuellement on aimerait passer à un collectif plus formel d'une dizaine, à grandir tranquillement la brique aussi? Ou c'est une bonne question. On essaie d'y aller tranquillement, un petit pas à la fois, parce que je veux pas, c'est quand même beaucoup de gestion. On est passionné de ça, mais on s'entend que les revenus qui viennent avec sont pas nécessairement gigantesques, donc c'est quand même déjà beaucoup de temps à gérer. Les espaces dans les festivals ou les petits salons, comme le Salon de Vaugirard, sont pas non plus infinis et gigantesques. On parle pas de kiosques en Salon du Livre. Donc, on voulait justement 6 au maximum, 7 membres réguliers qui s'engagent à participer à 5-6 événements durant l'année. Ensuite, à chaque événement, on évalue quelle place on pourrait avoir, s'il reste de la place pour des auteurs ponctuels qui ont une ou deux petites publications. Mais c'est vraiment là, du cas par cas. Mais si on a de l'espace, nous autres, ça nous fait toujours plaisir de diffuser d'autres personnes qu'on côtoie. Oui, parce qu'en même temps, comme vous disiez tantôt, si on veut éventuellement asseoir une identité, faut pas non plus avoir 36 000 publications distinctes. Donc, si on est 6-7 réguliers, 5-6, les gens s'attendent aussi à retrouver un peu ces univers-là quand ils vont vous voir d'un événement à l'autre. Ça permet aussi de développer, de commencer à avoir une base, dans le fond. Oui, tout à fait. Ben, exactement. Là, c'est sûr que, comme je disais tantôt, on essaie d'avoir une offre qui est complémentaire. Mais les gens qu'on a reçus comme ponctuels, c'est tous des gens qui sont un peu dans le même créneau que nous, enfin, qui ont la même nous en termes d'autopublication. Donc, c'est des gens naturellement vers qui on peut aller. Mais là, après ça, c'est une question un peu d'espace, de gestion, puis aussi d'engagement, parce qu'il faut que chaque membre aussi mette un minimum d'engagement pour que la BC puisse rouler. Et côté événements, vous en avez déjà fait pas mal. Évidemment, il y a des événements BD, on connaît, on imagine, donc le type de réception des événements fanzines. Est-ce que vous avez essayé aussi, justement, on parlait d'événements un peu moins liés au milieu, puis comment se passe la réponse, comment se passe la dynamique entre l'un et l'autre quand on va offrir ce type de produit-là? Est-ce que parfois on est un peu surpris aussi de voir justement ce type de produit-là dans certains événements moins classiques? Ouais, ben ça dépend. C'est assez inégal, disons. Dans le cas du Salon de Vaugirard, par exemple, on a eu comme parmi nos meilleures ventes, j'ai l'impression, de l'année dernière. Donc, on y retourne avec beaucoup d'enthousiasme ce soir. Mais il y a des événements, d'autres événements, vraiment, où c'était assez pétard mouillé là, comme expérience. Pas beaucoup de ventes, pas beaucoup d'intérêt. Donc, on essaie. C'est niveau expérience, expérimental, pragmatique, un événement à la fois. Moi, je crois que... on n'est pas seulement des Montréalais dans le groupe. Il y a Catherine Barre qui habite à Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, mais les autres, on est pas mal tous basés à Montréal. Mais je pense que je crois beaucoup à sortir de Montréal. Parce que Montréal, c'est un peu saturé en termes de foire, de marché. Je regardais juste les marchés de Noël qui commencent ce mois-ci. Je pense qu'à toutes les fins de semaine, il y a 7, 8, 9, 10 marchés de Noël dans les quartiers. C'est comme... je pense que ça dilue un peu le lectorat puis la clientèle potentielle, mais en allant dans la région de Gatineau, en allant à Québec, éventuellement, pourquoi pas en Mauricie, où moi, je fais des lancements encore à chaque année à Rimouski, parce que j'ai habité là-bas. Je pense que ça peut être intéressant d'aller toucher des plus petits centres, parce qu'il n'y a pas d'événements BD ou moins d'événements BD ou moins de foires. Je pense que ça, il y a un potentiel qui est là, puis je vois ce que la réception peut être bonne. Est-ce qu'on a l'impression, en terminant, de prendre un peu le bâton de pèlerin dans des situations comme ça? De représenter, d'en venir vers à représenter, à stimuler un intérêt envers les publications indépendantes? En fait, c'est sûr que quand on va dans des événements plus grand public, oui, effectivement, il y a un peu un bâton de pèlerin de faire connaître le milieu de l'auto-édition, puis même, je dirais, plus largement, la BD, j'aime pas le terme, mais la BD pour adultes, c'est pas érotique, mais la BD qui est pas nécessairement familiale. Il y a encore beaucoup de gens au Québec qui connaissent pas ça. Je sais pas ce qu'est l'impression des autres par rapport à ça. Alors, on invite les gens, évidemment, à découvrir, en fait, la brique du dinosaure, page Facebook. On peut trouver aussi votre site web. Et évidemment, on le mentionnait, allez vous rencontrer aussi cette fin de semaine au Salon Nouveau Genre. Alors, Martin, PM, Haute Fourret, François Donatien, merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, donc, regard sur la brique du dinosaure. Et si d'ailleurs vous voulez voir un peu l'ensemble des gens qui seront présents au Salon Nouveau Genre cette fin de semaine, mais vous pouvez toujours aller sur le Facebook de Salon Nouveau Genre, vous allez avoir tous les liens de ce côté. Alors nous, on repart en musique, dernier extrait de cette formation Sterezzo. On écoute Starlight. Dernière ligne droite, dernier 10 minutes de la vie en BD. Alors, plusieurs événements qui se préparent la semaine prochaine. Vendredi, notamment le 9, il y a un laboratoire, la BD de parenthèse 9, où Caroline Soucy, Paul Bordelot, Richard Valran vont expérimenter autour d'histoires avec leur tablette tactile. Ça, c'est à la Maison de la littérature, c'est vendredi. Mais mercredi aussi, on fait une belle semaine d'événements. Mercredi prochain, c'est les rendez-vous de la BD. Dernière rencontre, d'ailleurs, de 2016. Une rencontre assez... légère, en fait, côté sujet, j'ai l'impression. On va en parler avec Michel Giguère pour en savoir un peu plus. Michel, bonjour. Salut, Raymond Poirier. Et donc, en fait, au terme de ton automne jalonné de thèmes sérieux, là, l'intimité sexuelle, les romans transposés en bande dessinée, l'art d'exprimer, la psychologie en images, là, tu décides de nous parler de chat. Ben, écoute, je me suis dit que les vidéos de chat sont tellement populaires sur Internet que c'était un sujet plein de potentiel. J'ai des visées mercantiles comme tout le monde. Alors, je vais battre un record d'assistance cette fois-ci. Non, regarde, sérieusement, si j'aborde régulièrement des aspects formels, ce faisant, j'invite l'auditoire à me suivre dans l'analyse du médium. Je présente aussi des genres, des tendances de la production. Quand je reçois chaque année des créateurs, ben, tout ça, ça demeure, par la force des choses, plutôt destiné aux bédéphiles. Hein. Or, j'ai toujours à cœur d'élargir mon public et, bien que ça puisse peut-être paraître présomptueux, d'élargir même le lectorat de la BD en glissant dans la programmation des thèmes comme le vin, la musique, la Première Guerre mondiale. Il y a même plusieurs années, j'avais fait Mars et Vénus en BD, tu vois. Alors, oui, ça me ferait plaisir de voir dans la salle des gens qui connaissent plus ou moins la BD, puis qui se sont laissés attirer par l'envie de voir toutes sortes de chats. Et il faut dire, Michel, que les chats occupent une place bien particulière dans la vie de beaucoup de personnes, dans leur quotidien, dans leur intimité, dans le fond. Absolument. Il y a plein de monde qui développe des relations, ben, comme tu dis, véritablement intimes avec leur chat, le cas échéant, vivent un deuil sérieux, profond, quand leur chat a épuisé ses 9 vies. Et malgré cette proximité, c'est drôle quand on y pense, le chat conserve une part de mystère. Il y a un je ne sais quoi d'insaisissable. Il y a comme une aura énigmatique autour du chat qui n'existe pas pour le chien. Hein. De fait, les félins exercent une fascination sur nous depuis l'aube de l'humanité. Et je trouve que la familiarité, comme la fascination, les deux se vérifient dans la profusion des œuvres que j'ai lues puis qui les mettent en vedette. Et j'imagine que le spectre est large là-dedans. Enfin, on passe des dieux égyptiens aux chats de ruelle. Et ce spectre-là doit se traduire aussi dans les lectures, dans les contextes dans lesquels tu les as trouvés en BD. Là. Il y a tellement de diversité, de richesse dans la production que j'ai amassé plusieurs magnifiques planches qui mettent en scène des grands chats. C'est-à-dire les fauves, les grands fauves. Malheureusement, j'aurai pas le temps de présenter ce volet-là mercredi prochain. Il y a trop de matériel. Alors, comme à l'habitude, j'ai structuré ma présentation en blocs. Les autres blocs étant les ancêtres, dans les deux sens du terme, les premiers chats de la préhistoire aussi bien que les premiers chats du 9e art. Deuxièmement, les chats tels qu'en eux-mêmes, c'est-à-dire des chats qui n'imitent pas les humains, qui vivent des mésaventures de chats. Ensuite, troisièmement, comme chien et chat, ça se passe d'explication. Quatrièmement, les personnages secondaires, ben oui, parce que il y en a qui sont pas nécessairement le héros principal, mais qui sont néanmoins marquants, comme le chat de Gaston, ou pensons aussi à l'hostie de chat d'Iris et Sviane. Ensuite, les chats anthropomorphes, qui, depuis les débuts de la BD, portent des vêtements, conduisent des voitures, ou mènent des enquêtes policières comme Black Sad ou Cheminou de Machereau. Ensuite, on n'oublie pas non plus les humains qui se déguisent en chats et qui développent des habiletés toutes félines, telles que Catwoman ou les trois sœurs du grand succès japonais Cat's Eyes. Et puis, pour finir, les chats surnaturels. Là, on touche au genre fantastique, merveilleux, science-fiction, et puis dans des styles et sur des tons qui sont vraiment toujours extrêmement diversifiés, qui vont du loufoque au dramatique. Et dans tout ça, en fait, dans cette variété-là, il y a une variété en termes de personnalité auquel on peut lui accoler. Là. Oui, il y a l'image du petit animal cute, tu parlais des vidéos Internet tantôt, mais les chats peuvent être sournois, têtus, délinquants, infidèles, inquiétants. Donc, côté fiction, là, il y a des portes qui sont ouvertes. Oui, ça donne, par exemple, d'ailleurs, tu sais, on peut penser que le thème, ça va être un peu uniforme tout au long de la soirée, mais non. Ça donne, par exemple, le journal d'un chat assassin, pour citer titre, ou encore l'encyclopédie curieuse et bizarre des chats. Finalement aussi, comment savoir si votre chat cherche à vous tuer, qui est aussi hilarant que le titre peut le laisser deviner. Pense à Garfield. Il est loin d'être mignon, Garfield. Le chat de Gaston est pas très affectueux. C'est avant tout un fauteur de troubles égoïste. Rasputin dans Canardo, il est franchement malsain. Et puis, en plus de la grande variété des tempéraments, eh ben, c'est saisissant, comme je disais tantôt, de constater la très large palette dramatique, si je puis dire. Il y a des récits émouvants avec des dessins caricaturaux. Il y a d'autres fois un dessin réaliste au service d'une histoire fantastique, comme dans Hôtel Particulier. Il y a un exemple, Billy the Cat, qui s'inscrit dans la grande tradition de la BD franco-belge à la Benoît Brisefer ou Gilles Jourdan. Mais Billy the Cat, ça commence la série par la mort du héros, qui est un flot de 10 ans, qui est happé par une auto. Là. Fait que c'est assez spécial pour une BD jeunesse. Fritz the Cat de Robert Crumb, c'est de l'autofiction. Lapineau de Trondheim, ça devient aussi parfois de l'autofiction. C'est la vie en vrai avec un dessin naïf. Et le cas le plus radical, évidemment, c'est Mars, dans lequel les Allemands sont pas moins terribles parce qu'ils ont un visage de chat et les faits racontés pas moins bouleversants à cause des dessins plutôt schématiques. Là. Est-ce que tu nous ferais une petite liste d'auteurs qu'on va voir en planche mercredi? Ouais, ben pour nous mettre en appétit, hein, Edgar Allan Poe, Calvo, Peyot, Fred, Mandrika, Gilbert Shelton, Edika, Westerlin, Frank, Gueluc, Claire Wendling, Johann Sfar, Konami Kanata, Chloé Cruchaudet, Patrick McDonnell, Yoshihiro Yanagawa, Neil Gaiman, Moebius, pour ne citer que quelques-uns. Et tout ça, évidemment, on le découvre en planche mercredi prochain, donc mercredi le 7 décembre. C'est à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Il n'y a pas de réservation nécessaire, donc on fait simplement se présenter à la salle Gérard Martin et on voyage pendant 1h30 avec toi et tous ces animaux. Et peut-être avant de se laisser, Michel, il nous reste genre 2 minutes, là. J'aimerais, comme on n'a pas pu se voir le mois dernier, pour ta rencontre de novembre, est-ce que tu pourrais conclure un peu en nous disant quelques mots sur ta soirée sur les alchimistes de l'indicible? On parlait justement de l'art exprimer la psychologie en images, une thématique extrêmement riche, là. Ouais. Écoute, les alchimistes de l'indicible, c'est une formulation poétique pour désigner, dans le fond, les BDistes qui exploitent les potentialités, mais parfois aussi les spécificités du médium BD, dans le sens où tu peux pas imaginer les mêmes procédés au cinéma ou en littérature. Et ce, pour exprimer l'intériorité de leur personnage. En cours de préparation de cette soirée-là, j'ai fait un constat que j'avais pas du tout anticipé parce que, tu vois, ça faisait au moins 5 ans là, que j'avais décidé de mettre ce thème-là au programme puis que je ramassais du stock. Eh bien, j'ai réalisé vraiment assez tard dans la préparation qu'il n'y a aucun autre rendez-vous de la BD qui avait contenu une si forte concentration de mes BD préférées. Ça a donné une présentation, une soirée où je mettais en lumière des procédés narratifs et graphiques. Donc, c'était assez technique, là, mais sans lourdeur. Parce que les aspects techniques se mettaient au service des émotions, des sentiments. Ça venait comme balancer le côté technique. Alors, on a bien rigolé à l'occasion, mais globalement, entre nous, on a souvent plongé dans des récits, des scènes assez sérieuses, parfois même sombres. Mais je pense que ce qui est ressorti par-dessus tout pour les gens présents, c'est l'émerveillement devant les trouvailles puis l'inspiration de ceux que j'appelle nos alchimistes de l'indicible. Oui, parce que je pense en fait qu'il y a un plaisir comme lecteur de comprendre un peu les mécanismes qui nous font ressentir, qui nous font capter certains éléments que les auteurs mettent en place. C'est quelque chose d'absolument fascinant qui mérite d'être reçu, qui je trouve nous permet d'approfondir notre lecture même, d'apprécier encore plus la lecture des BD. Ben écoute, ça fait 10 ans que c'est mon pari d'inviter les gens à approfondir ça avec moi, puis les soirées, là, je m'adresse peut-être aux néophytes qui se diraient, j'irai pas là, je comprendrai rien, ou ça va être barbant. Non, les soirées commencent toujours assez mollo, tu sais, les exemples sont très simples, très évidents, mais curieusement, sans trop s'en rendre compte, progressivement, pendant 1h45, là, on va aller dans des trucs de plus en plus élaborés, complexes, puis honnêtement, j'ai des fidèles qui viennent presque tout le temps depuis le début, là, ce qui fait que c'est toujours un plaisir de les voir et aussi de voir des nouveaux visages. Mais Michel Giguère, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Hey, au revoir et puis on se voit après Noël. Voilà. Ciao. Ciao. Voilà Michel Giguère, je le rappelle, animateur des rendez-vous de la BD. Prochaine rencontre le 7 décembre. Et nous, c'est comme ça qu'on termine cette édition de l'émission. Il n'y aura pas d'émission vendredi prochain, le 9 décembre. Nous, on va être de retour le 16 avec une grosse émission. JF va être avec nous, Paul Bordelot, Alex A également, entre autres invités. Alors, c'est un rendez-vous. Passez un bon 2 semaines sur les ondes du 89.1. C'était Raymond Poirier au micro.